Europe On Air avec les centres Europe Direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Europe On Air, l'émission qui vous parle d'Europe et de son actualité. Votre chronique est présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain. Aujourd'hui, on va parler du rôle d'un député et nous allons faire un point d'étape sur la situation autour des élections européennes. Alors Adam, tu vas donc nous parler des députés européens. Oui, il faut déjà savoir que depuis le départ du Royaume-Uni le 31 janvier 2020, il y a 705 députés qui occupent le Parlement européen à Strasbourg, dont 79 pour la France. Pour la prochaine mandature, 720 députés seront élus et 81 pour la France. C'est une légère augmentation qui tient compte des évolutions démographiques. Et à quoi ça sert un député européen ? Eh bien, élus pour 5 ans par les citoyens européens, les eurodéputés les représentent directement au sein de l'Union européenne. Pendant leur mandature, les élus ont pour fonction de discuter, d'amender et de voter les textes de loi proposés par la Commission, toujours en cherchant un consensus avec le Conseil de l'Union européenne, donc le Conseil des ministres, qui valide également les textes. Donc le Parlement vote également le budget de l'Union et dispose de divers moyens de contrôle sur les institutions européennes. Il approuve par exemple la composition de la Commission européenne, peut constituer aussi des commissions d'enquête et même censurer la Commission qui doit alors démissionner. Comment s'organise-t-il ? Eh bien, au sein du Parlement, les députés rejoignent au moins une et souvent plusieurs des 20 commissions thématiques permanentes chargées d'examiner les textes de loi. Les députés appartiennent à des partis politiques nationaux qui s'associent pour former des groupes transnationaux. Donc contrairement aux partis, dans certains parlements nationaux, les groupes ne peuvent pas imposer de consignes de vote aux députés. Ils sont juste chargés de déposer des amendements avant chaque vote de texte en plénière. Quel est l'emploi du temps d'un député ? Eh bien, le calendrier du Parlement prévoit des périodes consacrées aux différents types de travaux menés par les députés. D'une manière générale, pour les affaires purement législatives, 4 jours consécutifs par mois sont alloués aux sessions plénières. Donc les 705 députés se réunissent tous ensemble. Elles ont lieu publiquement dans l'emblématique Parlement de Strasbourg. L'ensemble des députés s'y réunissent pour débattre des textes, mais surtout voter leur adoption, donc les textes présentés par la Commission européenne. Au moins 4 autres jours, mais parfois plus, sont dédiés aux réunions des commissions parlementaires à Bruxelles. Donc justement, les commissions ont pour mission d'étudier en profondeur les textes de loi proposés par la Commission européenne. Donc c'est des petits groupes de députés qui analysent un peu plus profondément les textes et afin de les amender et quand ils seront soumis en plénière. Enfin, concernant l'activité plus politique, une semaine par mois est consacrée au travail en circonscription. Le temps restant est aussi destiné aux réunions des groupes politiques. Et comment va se dérouler le vote ? Eh bien, juste pour rappel, déjà, les élections européennes ont lieu le 9 juin 2024. Il y a seulement un tour, donc ne loupez pas le coche. Les élections européennes ont lieu au suffrage universel direct à un tour. Les candidats sont élus pour 5 ans selon les règles de la représentation proportionnelle à scrutin de liste à la plus forte moyenne. Donc les partis ayant obtenu plus de 5% des suffrages bénéficient d'un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix. Ainsi, en 2019, 6 partis avaient dépassé les 5% et avaient donc obtenu des sièges. 23 sièges pour le Rassemblement National et Renaissance, 12 pour Europe Écologie Les Verts, 8 pour Les Républicains et 6 pour le PS et 6 aussi pour la France Insoumise. Merci Adam, on va marquer une petite pause musicale dans Europe On Air et on revient pour parler toujours des élections européennes et des rôles des députés. On écoute tout de suite Francis Cabrel avec Des Hommes Pareils. Vous, vous êtes et nous, nous sommes des hommes pareils, plus ou moins nus sous le soleil, même cœur entre les mêmes épaules. Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? Si on y oublie l'essentiel, on partage le même royaume où vous, vous êtes et nous, nous sommes. Moi j'ai des îles, j'ai des lacs. Moi j'ai 3 poissons dans un sac. Moi je porte un crucifix. Moi je prie sur un tapis. Moi je règne et je décide. Moi j'ai 4 sous de liquide. Moi je dors sur des bambous. Moi je suis docteur. docteur Marabout. Et nous sommes des hommes pareils, plus ou moins loin du soleil. Blanc, noir, rouge, jaune, créole, qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? S'il y manque l'essentiel, semblable jusqu'au moindre atome, vous, vous êtes et nous, nous sommes. Moi je me teins et je me farde, moi mes chiens montent la garde, moi j'ai piégé ma maison, moi je vis sous des cartons, moi j'ai 100 ans dans 2 jours, moi j'ai jamais fait l'amour. Nous enfants, neveux et nièces, on dort tous dans la même pièce. Qu'on se donne, on nage dans le même aquarium, on partage le même royaume. Vous, vous, vous êtes et nous, nous sommes. Des hommes pareils, plus ou moins nus sous le soleil, tous tendus vers l'espoir de vivre. Qu'est-ce qu'on vous apprend dans les livres? S'il y manque l'essentiel, s'il y manque l'essentiel, j'aime mieux ce monde polychrome où vous, vous êtes et nous, nous sommes des hommes pareils, des hommes pareils, des hommes pareils. Des hommes pareils. De retour sur Radio Fagette pour l'émission Europe en Air, présentée par le Centre Europe Direct, Territoire Lorrain. Aujourd'hui, on parle des élections européennes. Et Adam, les élections européennes sont dans moins de 7 mois. Oui, et alors que les partis désignent peu à peu leur tête de liste pour mener la campagne électorale, les premiers sondages, à l'heure où l'on parle, commencent à affleurer. Et quelles sont les principales tendances actuelles ? Eh bien, les dernières estimations stables estiment que, justement, le Rassemblement National arriverait en tête avec 25% des voix, contre 21% pour l'Alliance Horizon Modem Renaissance, donc le parti présidentiel. Suivent ensuite les Républicains, le PS, Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise, qui récoltent tous entre 8,5 et 9,5%. Reconquête, le parti d'Éric Zemmour ferait aussi son entrée au Parlement européen et obtiendrait 6,5% des voix, et le Parti communiste français 5%. Donc rappelons que les élections européennes se tiennent, comme on l'a dit, qu'à un seul tour, qui a lieu le 9 juin 2024, et que chaque parti, donc comme ceux mentionnés juste avant, qui recueille au moins 5% des voix, obtiendrait au moins un des 81 sièges dédiés aux parlementaires français au Parlement européen de Strasbourg. Et quelles sont les têtes de liste déjà annoncées ? Eh bien, à l'heure où l'on parle, je précise, pour la 4e fois, Nathalie Arthaud va porter l'étendard de lutte ouvrière aux élections européennes, Marion Maréchal-Le Pen va représenter Reconquête, Jordan Bardella, le RN, Marie Toussaint, les écologistes, et Léon Desfontaines, le Parti communiste français. Un certain nombre de partis habitués au scrutin européen ont annoncé leur volonté de présenter une liste aux élections européennes de 2024, sans pour autant encore officialiser les personnalités qui conduiront leur campagne. C'est le cas du camp présidentiel, de LR ou encore de la France insoumise. Du côté des formations politiques un peu plus petites, Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, le Parti fédéraliste, Europe Démocratie Espéranto, l'Union Populaire Républicaine de François Asselineau, qui lutte pour le Frexit, et la Fédération nationale des chasseurs, présidée par Willy Schrein, travaillent aussi chacun de leur côté à la constitution de listes et à la désignation de leurs chefs de file respectifs pour les élections européennes du 9 juin 2024. Merci beaucoup Adam pour toutes ces explications. C'était la chronique Europen Air sur Radio Fadjet présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est Centre Europe Direct Territoire Lorrain. À bientôt pour une prochaine chronique et portez-vous bien. À bientôt.